En Corée, l'élevage des animaux domestiques est promu de façon scientifique et technique. Les centres d'élevage près la direction de l'aviculture de Pyongyang, les centres d'élevage de canards de Gwangpo et de poules de Fengzhou ont établi les systèmes de reproduction scientifique pour augmenter considérablement la production de la viande et des œufs. Le centre d'élevage de porc d'Edongang a établi le système d'élevage d'excellentes espèces et baissé sensiblement la norme de consommation de nourriture pour normaliser la production de cochons de lait tout en établissant le système de commande intégrale. Par ailleurs, le centre d'élevage de porc d'Anzhou est agrandi, alors que le centre d'élevage de poules de Pyongwon a réuni des conditions matérielles et techniques au niveau de centres d'élevage de reproducteurs.